Senior Retro Gamer vous souhaite la bienvenue sur son podcast, le podcast 100% jeux vidéo. Et salut tout le monde, c'est NRG, bienvenue sur mon tout premier podcast, le tout premier podcast 100% jeux vidéo. Et oui, merci beaucoup de m'écouter, ça me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui dans mon podcast, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura tout d'abord un test de The Legend of Zelda A Link Between Worlds que je viens de terminer sur ma 3DS, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il y aura une petite interlude musicale car cette émission va durer un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Il y aura aussi une petite explication sur un petit projet que j'ai à faire, j'aimerais bien l'intégrer dans mon podcast. Et aussi les informations du mois sur les cadeaux que vous pourrez faire sous le sapin à tous les fans de jeux vidéo. Voilà, encore une fois merci de m'écouter et on passe tout de suite au test. Le test. Aujourd'hui je vais vous parler de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ce jeu est édité et développé par Nintendo et est sorti le 22 novembre 2013. Après de nombreux opus sortis sur bon nombre de leurs plateformes, Nintendo décida de remettre au goût du jour l'univers d'un de ses premiers jeux, en l'occurrence le troisième, The Legend of Zelda A Link to the Past. En effet, plus de 20 ans après sa sortie sur Super NES, l'opus continue ici d'inspirer les équipes de Nintendo. Étant pour certains l'un des meilleurs opus de la série, le développeur voulut rendre hommage à son jeu et à ses fans en lui faisant une suite complètement inédite. N'allez pas croire que cet opus est un remake du 3, car dans ce jeu les enjeux sont bel et bien différents. En effet, Aghanim n'est plus et laisse place à un nouveau méchant pour la série, nommé Yuga. Ce protagoniste menaçant et hystérique a le pouvoir de transformer quiconque qui se met en travers de son chemin en tableau. Je sais, ce pouvoir n'est pas des plus effrayants mais fera tout de même bien son boulot. Car c'est bel et bien grâce à cette malédiction et un objet somme toute bizarre, le bracelet, que notre héros légendaire Link pourra à volonté se plaquer contre les murs afin de se résoudre des énigmes et même vaincre ses ennemis. En effet, dès le début du jeu, alors que l'on pense que tout est perdu, un bracelet vient nous sortir de notre état de toile et nous confère le pouvoir de se transformer volontairement pour se fondre avec son environnement. Vous l'aurez compris, cette transformation en peinture murale est l'innovation de cet opus, et une fois le principe bien assimilé, l'exploration gagne une profondeur insoupçonnée. Ayant le même principe que dans le troisième épisode, l'aventure se déroulera en deux parties. La première, plus courte, consiste à explorer la carte afin de trouver trois pendentifs qui auront pour but de nous octroyer l'épée de légende. Une fois cette arme en main, l'aventure pour sauver Hyrule démarre réellement. En effet, dans cette deuxième partie, Link devra libérer les 7 descendants des sages emprisonnés dans 7 donjons disséminés dans le royaume de Lorule. Un royaume beaucoup plus sinistre qui n'offre que des terres dévastées et peuplées de créatures terrifiantes. Ce royaume est gouverné par la princesse Hilda. Vous l'aurez compris, Hyrule et Lorule sont tous deux liés. A l'instar de The Link to the Past qui faisait continuellement voyager le joueur du monde de la lumière à celui des ombres, cet opus nous fera voyager entre le merveilleux monde d'Hyrule et son entre guillemets alter ego Lorule. Pour se rendre dans ce monde, Link utilisera son nouveau pouvoir cité plus haut afin de passer par des failles temporelles bien étranges. Passons maintenant à un autre aspect du jeu qui pour le coup divisera la vie de certains joueurs. Dans les autres opus de la saga, le cheminement pour arriver à déjouer les plans du gros vilain est toujours le même. Vous finissez le donjon qui vous donnera un objet utile, comme les bombes, afin de débloquer le prochain donjon et ainsi de suite. Dans cet opus, c'est différent. Le joueur a en effet la possibilité de choisir l'ordre dans lequel il fera les donjons. Cette fois, les objets et armes, tels que le boomerang et l'arc, pourront quasiment tous être obtenus dans le début du jeu, par le biais d'un étrange vendeur du nom de Lavio. Ce vendeur vous permettra en effet de louer ou d'acheter les objets nécessaires à la réalisation de votre quête. Mais attention, si vous mourrez, tous les objets loués reviendront auprès de Lavio et il vous faudra les relouer. Pour en finir avec les nouveautés sur les objets, sachez que la notion de munitions est mise à la poubelle, car maintenant tous les objets sont liés à votre jauge de magie, ce qui rend tout de même les choses un peu plus aisées. Cet opus sorti sur 3DS offre bien entendu la 3D et quelle 3D. En effet, ce jeu est passé maître en matière de 3D intéressante et intelligente et ne vous cassera pas la tête et sera un vrai plaisir de jeu. Passons maintenant à la difficulté du jeu. Cet opus n'est clairement pas le plus difficile de la saga. Les cœurs coulent à flot, la barre de magie qui vous permet d'utiliser des centaines de flèches dans un seul donjon, et les flacons pouvant contenir des potions et des fées qui vous redonneront de la vie. Une fois fini pour la première fois, on vous propose de refaire le jeu dans un mode de difficulté plus dur, mais j'aurais apprécié l'avoir dès le début. Au point de vue de la durée de jeu, je la trouve assez bonne. En effet, il vous faudra environ une vingtaine d'heures pour finir le jeu en ligne droite, et une trentaine pour le finir à 100%. Pour en finir, je vous conseille ce jeu, car il sera parfait pour les débutants sur la série, et il sera tout aussi parfait pour ceux ayant déjà joué aux anciens. Je reprends donc la parole pendant un petit moment, juste pour vous dire que nous allons passer directement à l'interlude musical, qui se nomme Energy et qui a été réalisé par Poki DJ. Merci à vous. Energy, le podcast 100% jeux vidéo. Et voilà, donc je reprends la parole après cette interlude musicale. Merci à vous d'avoir écouté et d'être resté si vous êtes toutefois resté. Alors maintenant, je vais vous parler d'un projet que j'ai avec une personne. Enfin, je dois encore lui en parler, mais je pense qu'elle acceptera, car c'est quelqu'un qui aime bien tout ça. Alors, au fait, c'est un projet d'interview sur une autre passion que le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans mon podcast, j'aimerais intégrer de temps en temps des interviews de personnes qui n'ont rien à voir avec l'univers du jeu vidéo, mais qui ont, comme moi, une passion qui leur prend quand même un bon bout de temps de leur vie, et qui n'est peut-être pas comprise par les gens de leur entourage. Alors, ici ce serait sûrement une interview sur le football. Je sais, c'est peut-être pas très innovant, mais c'est une personne qui aime le football, qui vit le football, et j'ai jamais vu ça. Donc, au début ça m'a choqué, après je me suis dit, bon, c'est un peu comme ma passion sur le jeu vidéo, donc pourquoi pas. Donc j'aimerais l'interviewer, vous faire partager cette interview, afin que vous compreniez un peu ce qu'est une passion, entre guillemets, c'est-à-dire comment ça se fait quand on devient passionné, à partir de quel moment on va être passionné, et etc. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas encore accepté, je ne lui en ai même pas encore parlé, donc c'est à voir, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Alors, passons maintenant directement aux informations du mois, après ce petit jingle, pardon. Passons maintenant aux informations du mois. Et voilà, bon, je vais vous expliquer un petit peu mon principe ici. C'est pas vraiment une information du mois, entre guillemets, malgré que je l'ai appelé ainsi. Mais c'est plutôt des idées cadeaux pour la Noël, ou la Saint-Nicolas, je ne sais pas. Alors, voilà, c'est au fait les sorties qui vont sortir ce mois-ci et le mois prochain, bien évidemment. Mais surtout, c'est les triple A, entre guillemets, donc les gros jeux, les gros jeux badass, qui pourraient faire plaisir à certaines personnes, et peut-être à moi aussi. N'est-ce pas, maman ou papa? Non, je déconne. Bon, alors, la première sortie du mois que j'ai repérée, qui est vraiment la grosse sortie, c'est Assassin's Creed Unity. Alors, il sort le 13 novembre, il me semble, sur PC, PS4, Xbox One, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est comme tous les premiers Assassin's Creed, vous êtes un assassin, vous devez aller tuer des gens, voilà, en étant discret. Mais la série a pris un petit peu, bat un petit peu de l'aile depuis quelques années, parce que on sent qu'ils reprennent les mêmes idées tout le temps. On ressent qu'ils ont pas trop envie d'innover, ils changent juste l'histoire et basta. Et ici, cet Assassin's Creed me paraît un peu plus intéressant, déjà parce que je ne suis pas français, mais je suis belge, mais ça se passe dans un pays limitrophe, donc je suis content, ça se passe à Paris, pendant la Révolution française. Donc je pense que c'est une très très très bonne période, on va pouvoir découvrir un peu plus sur cette histoire, parce qu'ils aiment bien incorporer des traits d'histoire réalistes, donc ça va être très bien, l'ambiance a l'air très très bonne, le Paris a l'air excessivement bien détaillé, excusez-moi. Alors, ce qu'ils ont voulu faire ici aussi, c'est un solo, donc une campagne solo, et aussi une grosse partie coopérative. On pourra jouer avec 4 assassins en même temps sur certaines missions. Alors c'est ça qui me fait un peu peur, parce que moi, étant un joueur fort solitaire, incorporé directement dans la trame du coopération, ça me paraît un peu bizarre, mais j'espère que ce sera bien fait. Ils ont aussi remanié leur système de combat, qui était beaucoup trop facile. On appuyait sur un bouton, on faisait un contre, et hop, il était KO directement. Ici, apparemment, c'est un peu plus compliqué. Les ennemis sont un peu plus intelligents. Ils vous attaquent à 2, à 3 en même temps. Et apparemment, ça va être un peu plus difficile. Ce qui est une vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose. Alors, il y a aussi le système de free run. Donc, la course libre qui a été améliorée. Dans les autres opus, on appuyait sur un bouton et hop, on montait partout. Ici, apparemment, on peut aussi descendre avec un autre combo de boutons. Ça paraît plus fluide, ça a l'air mieux, vraiment mieux. Je vous conseille d'aller voir les vidéos. Je vous ai parlé un petit peu de la carte de Paris qui a l'air immense, avec des souterrains et tout le bordel. Ça a l'air vraiment génial. Alors, il y a aussi un gros point de vue techniquement. Ça veut rien dire ma phrase, je m'en rends bien compte. Mais au point de vue de la technique, vu que c'est un jeu développé exclusivement sur Next Gen, donc la PS4 et la Xbox One et aussi le PC, il y aura énormément de personnages affichés à l'écran. Donc tout ce qui est PNJ, donc les personnes non-joueurs, tout ce qui est villageois, personnages en colère et tout ça, il y en aura énormément. Et la foule sera, pour moi, 3 à 4 fois plus grande que dans les précédents opus, ce qui est une bonne chose, ça rendra beaucoup plus de vie, il y aura des animaux, il y aura beaucoup plus de vie dans la ville, ce qui, pour moi, intègre, une meilleure immersion. Et voilà, donc j'ai une grosse attente pour ce jeu, et j'espère qu'il sera quand même à la hauteur de mes espérances, voilà. J'espère aussi qu'Ubisoft nous a pas mis une grosse carotte en nous disant « ce sera tout meilleur, tout meilleur, tout meilleur » et qu'à la fin, on se retrouve avec un watchdogage. Parce que oui, je n'aime pas Watchdog. Alors, il y a aussi une autre sortie qui est Far Cry 4, qui sort le 18 novembre. Alors là, j'ai un peu plus de réserve à propos de ce titre, car ayant énormément apprécié le 3, j'ai peur que le 4 soit une refonte du 3 en HD pour les nouvelles consoles avec un autre paysage, mais ça me fait peur un peu comme ça. Alors, il sort sur PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, donc déjà ça me fait peur, c'est qu'il est aussi cross-gen. Ça veut dire que il est sur les nouvelles et les anciennes, ça me fait un peu peur. Alors, on se trouve où dans ce jeu? Dans un pays fictif qui s'appelle Kirat. C'est près des chaînes de l'Himalaya. Ça a l'air quand même assez bien foutu, ça a l'air vraiment beau. En espérant aussi que ce qu'ils nous ont montré, c'est ce qu'on va voir. Ça me fait un peu peur. Apparemment, ils ont déjà fait une downgrade de graphisme, donc ça ne m'étonne pas. Mais ça a l'air quand même assez bien foutu. Il y a aussi... Ce qui me fait peur aussi, c'est que dans le 3, on avait un méchant. Il me semble qu'il s'appelait Vaz, qui était extrêmement charismatique, bien foutu, une bonne personne bien psychotique et un peu folle. C'était génial. Et ici, on a le même en blond, un peu, pour ma part, un peu moins charismatique, qui s'appelle, attention, c'est Pagan Min. Et j'ai un peu peur que, avec ce personnage, ils ont voulu refaire le Vaz dans un autre univers, mais qu'on sente le réchauffer. Et ça me fait un peu peur. Et c'est à voir. Franchement, le jeu-là m'intéresse, mais c'est à voir. Dans un autre style, donc un jeu de voiture, qui sort aussi le mois prochain, en décembre, qui ne m'intéresse pas du tout, mais qui pourrait vous intéresser, c'est The Crew. Alors là aussi, j'ai énormément de réserves. Il sort sur PC, PS4, Xbox One. C'est un jeu de voiture à connotation MMORPG. Donc il y aura beaucoup, enfin c'est exclusivement en ligne il me semble, je me suis pas renseigné excessivement sur le sujet, mais j'ai quand même beaucoup de craintes, car il nous donne une carte immense, ce sera la carte des États-Unis. Elle sera plus petite que les États-Unis, mais dans l'optique ça doit être une carte immense, avec plein d'interactions entre joueurs, et ça me fait peur pour un jeu de voiture. Apparemment c'est une conduite très typée arcade, qui... me fait peur aussi, parce que j'ai peur que ça soit un Need for Speed Online, mais je sais pas, déjà la réalisation m'a pas l'air extrêmement magnifique, et j'espère que pour les fans de jeux de voiture, ce sera un bon jeu, en sachant qu'il y a déjà des jeux extrêmement jolis comme Forza Horizon, et j'ai un peu peur. Bon, maintenant nous allons passer à la sortie pour tous les grands fans, dont je ne suis pas et que je ne connais pas la licence. Honte à moi, je sais bien, Smash Bros for Wii U, je sais plus s'il y a le super ou pas, désolé, ne me frappez pas. Alors c'est le nouveau jeu de combat de Nintendo sur sa Wii U, il est déjà sorti sur 3DS un peu plus avant, ici il va sortir sur Wii U le 28 novembre, et j'espère que ce sera, normalement, une grosse bombe. Attention, je n'aime pas ce genre de jeu, car le jeu de combat, c'est pas trop mon truc, mais apparemment, il y a une grosse attente à partir de la part des joueurs, et j'espère que cette attente sera, réalisée. Enfin, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. J'espère que les joueurs qui attendent ce jeu seront contents de ce jeu. Apparemment, il y aura une flopée de personnages, une flopée de nouveaux mondes. Il y aura aussi blindés, ça je sais que ça se dit, blindés de nouveaux modes de jeu qui pourront somme toute intéresser beaucoup de joueurs. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas trop, mais je sais aussi qu'ils vont être compatibles Amiibo, qui sont les petits personnages maintenant NFC que Nintendo a mis en vente. Je ne sais pas s'ils sont déjà en vente, mais qui vont être bientôt. Et Grâce à ses amiibos, on pourra intégrer un joueur, intégrer ses stats à la figurine, aller chez son copain, mettre sa figurine et on aura notre personnage à nous dans son jeu. Ce qui est pour moi, je pense, une belle innovation, une bonne idée. Et surtout, collectionner les amiibos pour la collection, c'est des petits personnages Nintendo, quoi, qui ne les aiment pas. Alors, je le recommande quand même, malgré que je n'aime pas ce genre de jeu, je le recommande parce que je pense que c'est le jeu de la Wii U, de cette fin d'année. J'attends énormément le Zelda pour la Wii U. La Wii U a énormément de bons jeux, elle est un peu décriée par tous les joueurs de PS4 et Xbox One, mais je trouve que c'est sûrement la meilleure console du moment, car avec les jeux de la Wii U et les jeux qu'on peut faire sur PC, je pense que c'est le meilleur combo qu'on puisse faire. Parce que justement sur les nouvelles consoles, il n'y a pas encore les gros jeux qui vont sortir justement. Donc il y a les Assassin's Creed, Far Cry et tout ça qui vont sortir et j'espère que ça va me redonner de l'intérêt pour ces consoles. Alors voilà, j'ai fini pour Smash Bros. C'est compliqué à dire. Alors j'ai fini pour ce jeu. Voilà, c'est plus facile. J'ai fini pour ce jeu parce que comme je vous l'ai dit, je le connais pas bien. Alors maintenant, nous allons passer à la grosse bombe. PS4 et Xbox One, qui pour ma part est vraiment un des meilleurs remakes que j'ai jamais vu, c'est bien évidemment GTA V. Il sort maintenant sur Xbox One et PS4 le 18 novembre, et ce jeu, déjà là-bas sur PS3, était une bombe. Donc c'était beau, il y avait techniquement, c'était vraiment très bien réalisé, la ville était magnifique, et ici ils le refont sur PS4 avec des graphismes magnifique, j'espère que ce sera ainsi dans la version finale. Je vous conseille d'aller voir des vidéos sur le jeu qui a été refait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas GTA, c'est un peu un gros bordel, c'est une grande carte ouverte où vous pouvez faire n'importe quoi, voler des voitures, aller dans des bars à prostituer, faire la mission principale où vous êtes des braqueurs et tout le bordel. C'est vraiment génial et je vous le conseille. Vraiment, vraiment, vraiment, si vous ne l'avez pas fait sur PS3 et si vous êtes grand fan, je vous conseille aussi d'aller le reprendre sur PS4 parce que il y a quelques améliorations comme la vue FPS qui a l'air quand même géniale et surtout les graphismes, ils ont rajouté de la végétation, ils ont rajouté des animaux dans les forêts, ils ont rajouté des personnages non joueurs, ils ont rajouté énormément de choses et la refonte graphique a l'air merveilleuse, pardon. C'est une grande attente pour ma part, comme vous pouvez l'entendre. C'est, je pense, le jeu qui va faire vendre des consoles à l'appel. Je pense que GTA V, c'est le jeu à avoir en fin d'année. Voilà, donc mon podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je pense avoir été un petit peu plus mou sur la fin, sur tout ce qui est présentation. Donc c'est fait en live, entre guillemets, c'est vraiment de l'improvisation. J'ai un peu du mal avec ça encore. Donc comme vous pouvez le constater, c'est mon tout premier podcast. Donc j'espère que ça vous aura quand même bien plu. Et je vous dis à la prochaine et au mois prochain. Merci à tous les amis. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter sur @thenewrg, @thenewrg. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis. Salut. The New Retro Gamer vous remercie d'avoir écouté son podcast.